Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107 FM. Et aujourd'hui, je vais parler, ou même ce soir, pardon, je vais parler d'une association du coin de Remiremont qui se trouve pas loin du centre, puisque j'ai avec moi le directeur de cette association. J'ai le plaisir de recevoir Huglaine de l'association Gassi. Bonsoir Huglaine. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour parler de votre association, un petit peu pour rafraîchir les mémoires sur ce qu'est l'association Gassi, ou connue aussi sous le sigle Agassi. Est-ce que vous pouvez déjà dire aux auditeurs depuis quand existe l'association ? Alors, oui, 1992, donc 26 ans. Oui, oui, elle a 26 ans cette année. Donc 1992, elle a été créée par des travailleurs sociaux, principalement. Pour ceux qui se souviennent, c'était l'époque où le RMI est arrivé. Ah oui, vous froncez les sourcils, vous êtes trop jeune. Revenu minimum d'insertion, je crois. Donc l'ancêtre du RSA. D'accord. Et du coup, le RMI avait amené les premiers droits et devoirs des personnes qui touchaient l'allocation. Et les travailleurs sociaux s'étaient trouvés bien démunis. Ils n'avaient pas d'outils pour occuper les personnes qui étaient au RMI, puisqu'on leur demandait de participer à des ateliers ou de rentrer dans un parcours d'insertion ou de retour au travail. Donc ils ont dû créer des outils et Agassi est un exemple parmi d'autres de structures d'insertion qui sont nées dans les années-là, puisque ce sont des travailleurs sociaux qui travaillaient à l'époque pour le département, c'est-à-dire à côté et dans leur travail, on crée des associations qui pouvaient permettre d'accompagner ces personnes-là et de faire une sorte de relais aux missions qu'avaient déjà les travailleurs sociaux. Et est-ce que vous savez de quoi était initialement constituée l'association ? De membres. Mis à part ça. Pas grand-chose, hein, c'est de bonne volonté. Et à l'époque, ils avaient vraiment trois bouts de ficelle et ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas de financement, il y avait... Ils faisaient vraiment comme ils pouvaient. Oui. Et l'association, bon, ils se sont quand même bien débrouillés vu que ça fait 26 ans qu'elle existe. Oui. Agassi, hein, pour ceux qui ne le savent pas ou ne s'en souviennent plus, hein, ça veut dire Association de gestion, d'animation et coordination pour l'insertion. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer en fait exactement à quoi se réfèrent tous ces sigles, donc gestion, animation, coordination et insertion ? Oh, c'est surtout insertion, c'est ce que je disais, animer de l'insertion. Alors ça a démarré comme ça, aujourd'hui c'est devenu, je disais, c'est parti vraiment avec trois bouts de ficelle, les présidents, adhérents, membres, bénévoles qui se sont succédés ont fait avancer cette association qui est aujourd'hui une association qui a 32 salariés, un budget de 900 000, 1 million d'euros, donc c'est devenu un outil plutôt performant je pense dans en tout cas reconnu comme tel sur le secteur. Et du coup, je viens de parler, je ne sais plus quelle était votre question. Je vous demandais si l'insertion, en fait, ce que sous-entend l'insertion dans le sigle Agassi. Alors, l'insertion, c'est pas de la réinsertion. Là aussi, on a eu pendant longtemps, je pense qu'on en sort doucement, on a eu l'idée de réinsertion, donc Gassi, donc des reprises de justice, des gens qui sortent de prison, les grandes gueules, c'est pas ça du tout, c'est pas ça. On s'adresse, on accompagne, on suit, on aide des gens qui sont éloignés de l'emploi. Au fil du temps, en plus, on peut dire que c'est devenu quelque chose d'assez commun. Donc des gens qui ont des incidents, des embûches dans leur parcours de vie, qui se retrouvent sans emploi pendant, par définition, plus de 2 ans, sont éligibles à venir travailler chez nous. Après le travail de Gassi, alors on va le voir, il y a plusieurs volets dans Gassi, mais en tout cas le travail de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire c'est le moment, l'endroit où on salarie les gens, donc on les embauche, hein, ils ont un salaire, et on va les remettre, on leur met le pied à l'étrier, on les remet dans un rythme de travail. Oui. Et qu'est-ce que vous proposez comme mission à ces personnes que vous pouvez embaucher ? Alors, on a deux chantiers. Un chantier, historiquement, on a toujours eu un chantier principalement homme et un chantier principalement femme. Donc le chantier homme, c'est un chantier environnement. C'est-à-dire que les salariés donc, sont encadrés et travaillent sur des missions de d'environnement, bûcheronnage, entretien des espaces verts, petite maçonnerie. Mais il y a des femmes qui peuvent aussi participer à ces chantiers. Oui, on en a eu, mais là, on n'a pas eu depuis 2 ans, on n'en a pas eu. Mais on en a de temps en temps, mais c'est principalement un profil masculin. Ça reste encore des métiers principalement occupés par les hommes. Hein. Donc là, on est dans une logique de sociologique, j'imagine. Et l'autre chantier qui est principalement femme, alors qui était le magasin Mascarade anciennement. Oui. Qui aujourd'hui le magasin de producteurs. Là aussi, principalement des femmes, et on a déjà eu, en 2 ans, 2 hommes qui ont quand même travaillé dessus. Mais on est quand même sur des choses assez tracées au niveau des. Assez sexuées sur les postes. Et ces contrats que vous proposez, bien sûr, ce sont des CDD, j'imagine. Ce sont des CDDI. Ah. Particularité, donc CDD d'insertion. En fait, pour qu'une personne travaille chez nous, il faut qu'elle ait un agrément, puisque ce sont des contrats aidés par l'État. Donc, agrément de l'État, il faut pour avoir l'agrément remplir certaines conditions qui vont être RSA ou chômage longue durée, principalement. Et quand ces gens ont l'agrément, nous, on peut les embaucher. Et ils partent sur un parcours de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas rester plus de 2 ans chez nous. Ça veut aussi dire qu'on a 2 ans pour les remettre en route. Oui. Et notre but à nous, c'est de les remettre en route et de leur trouver un emploi ou une formation qualifiante. Et à l'intérieur de ces 2 ans, ce parcours de 2 ans, puisqu'on on le voit comme ça, eh bien, on met en place des CDD de plus ou moins longue échéance. Vous avez dit que c'est des CDDI, donc d'insertion, parce que le but est que ces personnes ne restent pas chez vous, mais aillent plus loin et puissent se réinsérer d'elles-mêmes dans la vie active. Mais pour ça, il faut, j'imagine, une équipe de professionnels qui aident au parcours d'insertion. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand ils vont être embauchés et rentrer dans une équipe, un chantier, il y a autour d'eux des encadrants techniques. Donc là, ce sont les chefs d'équipe, des gens qui sont formés, professionnels, et qui vont principalement les accompagner sur l'aspect technique de leur, ce qu'on appelle leur support, puisque pour nous, ce n'est qu'un support, en fait, le magasin ou la débroussailleuse, c'est un support pour retourner au savoir-être et au savoir-faire nécessaire à une insertion économique, entre autres. En plus, ils ont un accompagnement avec une accompagnatrice socio-professionnelle qui va les accompagner, les aider à travailler leur projet. Quand une personne est embauchée chez nous, ça se passe exactement comme dans une entreprise. Hein. Ils envoient un CV, lettre de motivation, on les reçoit, on fait des entretiens d'embauche et on a certaines conditions, j'allais dire peut-être supplémentaires qu'on pose par rapport à une entreprise, c'est que nous on leur demande d'avoir un projet. Oui. Puisque le but est de s'intégrer dans un projet de maximum 2 ans et on regarde quel est leur projet, s'il est faisable ou pas, même s'il n'est pas faisable, c'est pas forcément un problème et on va accompagner donc ces personnes sur ce projet ou les orienter sur d'autres projets. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, hein, ces contrats que vous faites, ce sont vous qui les faites tout seul, oui, ou ce sont des contrats aidés? Vu que, bon, en ce moment, les contrats aidés, alors, c'est un peu compliqué. On les fait tout seul, oui, parce qu'on fait les contrats. Après, s'ils sont aidés, oui, ce sont des contrats aidés. Mais d'accord. Alors, pas dans la catégorie des contrats aidés dont on parle et qui ont été massivement supprimés. C'est une autre sorte de contrats aidés, qui sont clairement fléchés insertion par l'activité économique. D'accord, et donc là, ça pose moins de problèmes pour l'instant, ça n'en pose pas. Après, on verra. Je pense que le gouvernement n'a pas eu la volonté de les remettre en question. Je vous disais, ils sont vraiment fléchés sur de l'activité économique. Donc en général, les gouvernements portent souvent dans leurs discours et dans leurs actes des valeurs travail très, très prononcées. Donc c'est un peu plus difficile pour eux, enfin difficile, ça veut dire qu'il y a une volonté, mais en tout cas ça leur paraît pas forcément naturel d'aller attaquer un secteur qui est clairement orienté vers le travail, qui est de plus en plus structuré. Ce qu'on appelle donc l'IAE, l'insertion par l'activité économique, est structurée sur tous les le territoire français, avec des fédérations, des outils d'évaluation. Et jusqu'à maintenant, en général, on a su prouver qu'on avait des résultats. En effet. Et dites-moi, pour être inséré, hein, ou du moins pour faire partie de vos salariés, est-ce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui peuvent en être bénéficiaires, comme par exemple des primo-arrivants ou des femmes seules, ou c'est vraiment toute personne qui est en rupture sociale avec le travail? Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Je vous disais, hein, personne au RSA, chômage longue durée. Et après, l'agrément, c'est pas nous qui le donnons, donc il peut y avoir des cas exceptionnels, mais donc vous disiez un primo-arrivant, quelqu'un qui ne parle pas la langue, ça va être difficile. Quelqu'un qui n'a pas de papier, ça va être difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Oui. On reste dans ce secteur-là, on travaille en étroite collaboration avec les services du département et surtout de Pôle emploi. Et on reste avec de l'humain. Et ça, c'est géré par tout le monde. Donc on peut avoir des cas exceptionnels, on peut avoir des choses qui se passent, mais la règle générale, c'est quelqu'un qui n'a pas de papier, qui ne parle pas la langue, ça va être très dur de... À terme peut-être, mais il y aura un autre travail à faire avant de les mettre en emploi. Et en parlant de ces autres choses à faire avant de les mettre en emploi, hein, je rappelle à nos auditeurs que j'ai déjà reçu Lauriane il y a un peu plus d'un an dans le cadre d'une autre émission. Elle faisait partie du pôle parentalité, enfin pôle, j'utilise des guillemets, elle travaillait vraiment avec la parentalité. Agassi donc a différentes activités, cordes à son arc. Oui, donc je vais parler des deux chantiers d'insertion. On a un pôle accompagnement social, c'est comme ça qu'on l'appelle, où là on travaille en sous-traitance du conseil départemental. Et nos missions sont d'accompagner les personnes au RSA qui nous sont orientées. Là, on a un statut de référent social. Et donc le conseil départemental, alors on peut peut-être en parler deux minutes, comment ça se passe le RSA. Quand les gens demandent et ont le RSA, ils très vite ils signent un contrat. Un contrat d'engagement, puisque le RSA, c'est une allocation pour aider les gens, mais en échange, on demande à ces gens-là de de faire un maximum pour sortir du RSA, c'est-à-dire repartir vers l'emploi à plus ou moins long terme. Hein, parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas aller à l'emploi du jour au lendemain. Mais en tout cas, il y a derrière la signature de ce contrat-là, cet engagement. À partir du moment, et de la même manière dont je vous parlais du RMI tout à l'heure, à partir du moment où on demande à des gens de suivre des engagements et de suivre un parcours, il faut aussi mettre des outils en face pour les accompagner. Donc là, comme d'autres associations ou d'autres structures, on intervient pour accompagner. Donc on a une équipe... d'animatrices, d'accompagnatrices. On a deux accompagnatrices socio-professionnelles, donc là qui vont intervenir sur les gens qui sont pas trop éloignés de l'emploi, et on va travailler directement sur comment retourner à moyen court terme vers l'emploi. On a des animatrices qui sont dites plus de collectif, où là les gens beaucoup plus éloignés de l'emploi, on va d'abord plus travailler sur le côté social, recréer du lien. Apprendre, à réapprendre, à sortir de chez soi, à discuter en groupe, à se poser des objectifs, enfin, plein de petites choses essentielles. Et il y a aussi une psychologue qui travaille dans l'équipe et dont le but est de... Alors psychologue, hein, pas psychiatre, psychologue, c'est d'aider les gens à bien souvent libérer leur parole, quand on a des fois des problèmes, ben voilà, ça fait du bien d'en parler, de les poser. Et en tout cas, quand on a des difficultés à passer certaines étapes, c'est bien souvent parce qu'on n'a pas réussi ou eu l'occasion de poser les problèmes qu'on traîne depuis des fois très longtemps, et d'avoir quelqu'un qui soit là pour les écouter, mais aussi pour les canaliser et aider à aller au-delà. En effet, donc ça c'est la globalité de ce que propose l'association, et on en vient déjà à notre première pause musicale. Vous avez proposé un morceau de Jacques Higelin, Tombé du ciel. Eh bien, on s'écoute cette petite parenthèse et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Tombé du ciel, à travers les nuages. Présage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle. Dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages, comment peut-on tomber plus bas? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé de sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages trafiquant d'import-export, tombé d'en haut. Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. C'était Tombé du ciel de Jacques et Ijla. Je suis toujours avec Huglaine de l'association GACI, donc association de gestion, d'animation et coordination pour l'insertion de Remiremont. Si vous en avez le désir, hein, vous pouvez réagir à l'émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Donc on a présenté là en première partie, en premier quart d'heure, l'association, son historique, et on va parler de plein d'autres choses, mais il me semble, vous avez dit l'association a 32 salariés, mais est-ce que toutes les personnes qui bénéficient des services de GACI sont forcément salariées chez vous ? Non, pas du tout. 32 salariés, d'ailleurs c'est une vingtaine de personnes en contrat d'insertion, 12 permanents. Et après, les personnes, je vous parlais du pôle d'accompagnement social. Oui. Là, les personnes qu'on suit, il y a à peu près 400 personnes à l'année qui sont accompagnées. Voilà. Il y a tous les gens qui sont aidés, accompagnés par GACI, ne sont pas forcément salariés, non. Et toutes ces personnes sont vraiment uniquement du secteur de Remiremont ou GACI touche un secteur plus large ? Alors, on va jusqu'à Gérardmer, la Bresse, hein, on fait les vallées. La particularité de GACI, c'est qu'on est mobile, on n'est pas à Remiremont en train d'attendre que les gens viennent pour régler leurs problèmes. Donc, oui. les accompagnatrices... Je dis triste hein, parce qu'on n'a pas d'hommes, sont mobiles et elles vont au-devant des gens, donc on soit à domicile, mais plus souvent les mairies des vallées nous mettent à disposition des salles, bien souvent, et, ce qui permet de pouvoir rencontrer les personnes. Et on mène avec aussi les collectifs des actions sur des mairies, sur des communes différentes. On anime un jardin à Saint-Amé, un jardin à Rue. Oui. Par exemple, en ce moment. Ah oui, est-ce que vous pouvez en parler plus non, de ce surtout jardin pas. Oui, bien sûr. Alors là, on est dans l'action collective, c'est-à-dire qu'il y a une animatrice ou un animateur, si quand même on en a, qui anime un groupe de personnes qui sont orientées. La particularité, c'est que c'est aussi ouvert à tout public. Hein, parce qu'on ne veut pas non plus faire du il n'y a que des gens au RSA qui viennent, tout le monde peut venir. L'idée, on est sur du développement social local. On a créé deux lieux qui sont des lieux de rencontre, et pour nous en tout cas, des lieux de rencontre, d'épanouissement, de dialogue et éventuellement de projet. Donc on essaye de travailler avec donc, les gens qui viennent dessus, avec des associations ou avec d'autres structures. Et de la même manière que sur les chantiers, on a un support pour travailler. Là, on a aussi un support pour fédérer et pour construire quelque chose. Et on s'est orienté depuis quelques années sur des jardins type permaculture. Par exemple, à Rue, on a, là, on est sur la commune de Rue, mais chez nous, puisqu'on a eu une personne qui nous a donné un terrain. Et il y a tout un groupe qui s'est mobilisé et ils ont transformé ce terrain en très beau jardin. Et là, on est sur la construction d'un chalet. Là, c'est la mairie qui a voulu participer et nous aider. Et ce chalet va permettre aux personnes qui viennent donc faire régulièrement, hein, parce que là, ils viennent quand il y a l'animatrice ou pas, hein, parce qu'un jardin demande pas mal de soins. Donc, ça devient un lieu ressource pour eux. Et ça le sera encore plus, puisqu'on a, voilà, on a une mairie qui va nous aider et on aura même un lieu pour que les personnes puissent venir se poser tranquillement quand il fait. Beau ou moins beau, à Saint-Amé de la même manière, derrière le cimetière là depuis 6-7 ans, hein, on anime aussi un jardin, c'est le jardin du presbytère d'ailleurs qui s'appelle, je crois. Il y a une serre qui a été installée, pareil, on est là aussi en travail collaboratif avec des structures, écoles, structures, on a le foyer j'oublie son nom du handicap de Saint-Amé. L'IME. Non. C'est pas celui-là. Non. ça reviendra. la mairie qui est très impliquée aussi. Voilà, on essaye de mixer un maximum de personnes, de partenaires et de travailler sur des projets qui ont du sens, hein, parce que faire son jardin, travailler la terre, faire en plus son jardin bio en permaculture, ça amène du sens, ça amène du lien, et puis ça amène aussi de la technicité, parce que c'est pas du tout évident. Et là aussi, on a aussi des bénévoles qui viennent aider. Hein. Je pense à Pierre Tisserand qui vient animer, je crois que c'est tous les jeudis, et aider tout le monde parce que c'est un pro du jardin. On a des gens comme ça qui viennent donner des coups de main et ça se passe plutôt bien. C'est plutôt épanouissant. Oui, c'est un très beau projet. Tous ces jardins, il y en a. D'après ce que j'en ai entendu, il y en a deux. Il y en a peut-être plus. Attendez, je réfléchis. Non, il y en a deux. Il y en avait un troisième à Cornimont, qui était le premier qu'on a porté pendant très longtemps, et abandonné. On a tout doucement, on s'est retiré du projet puisqu'on est toujours sur une recherche d'autonomie. S'il ne tenait qu'à moi, le I de insertion s'en irait peut-être pour être remplacé par un A. Je pense que le travail qu'on fait, on ne cherche pas à insérer les gens. Parce qu'il y a un côté... Il y a un côté déjà, et ça veut dire qu'ils sont en dehors de la société. Je ne pense pas qu'on est en dehors de la société parce qu'on est au RSA. Mais on les amène vers plus d'autonomie. Ce serait le terme plus juste pour définir les actions qu'on mène. Et donc, il y avait un groupe qui a travaillé pendant très longtemps. Ils ont fait un très beau jardin qui est encore juste derrière la maison de retraite à Cornimont. Et il y a un moment, on s'est dit, on va se retirer parce que ils devraient maintenant s'en sortir sans nous, être autonomes. Et on a fait une passation sur ce projet-là avec la mairie et d'autres acteurs qui avaient envie de rentrer dedans. Voilà. Et comme ça, le jardin continue de vivre sans que l'association Gassi s'en occupe ou gère l'animation. Voilà, c'était l'idée. Et voilà, ça c'est un des nombreux projets de l'association. Hein. Il me semble que Gassi est porté par beaucoup de projets. Oui. Et en ce moment, ou du moins le projet le principal, le plus visible quand on passe devant vos locaux, qui sont rue j'avais la Joncherie. Rue, voilà, rue de la Joncherie. Donc c'est la rue parallèle au boulevard Thiers. On y voit un magasin de producteurs. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce magasin? Alors le magasin de producteurs, on retourne là dans les chantiers d'insertion. On avait dans ces locaux le magasin Mascarade avant, oui. Donc dont le support était de la confection et de l'allocation de costumes festifs. Oui. C'était un support qui, je pense, n'était plus pertinent pour nous. Je reviens juste sur ce que je dis support, on prend une activité et ce qu'on cherche nous, c'est à ce que cette activité nous permette d'accompagner les personnes, hein, je vous disais, vers un rebond au mieux. Il faut que, j'allais dire, peu importe le support, il faut juste qu'on puisse s'en servir pour rebondir. Puisque les personnes qui viennent chez nous, quand elles rentrent dans le chantier environnement ou quand elles rentrent dans le magasin, elles ne viennent pas pour ressortir et être bûcherons, travailler dans l'environnement ou forcément vendeuses. On a des gens qui viennent sur le chantier environnement et qui viennent avec un projet de taxi, qui viennent avec un projet de vendeur, enfin des choses qui n'ont rien à voir avec l'activité qu'ils ont. Hein. Donc le support est important pour nous dans le sens où ils nous permettent d'opérer des leviers, de travailler les savoir-être et les savoir-faire avec les personnes. Néanmoins, si le support peut être plus pertinent, ça nous intéresse. Il se trouve que l'allocation de costumes n'attire pas beaucoup de clients, donc on était un peu quand même tranquille. Et la confection, ça disparaît quand même chez nous. Donc on avait moins d'activités, on a décidé à un moment, d'arrêter ce chantier-là, puisqu'en plus il nous coûtait beaucoup d'argent, puisqu'il n'y avait pour le coup aucune rentabilité. Et le conseil d'administration donc, a réfléchi à trouver un autre support. Soit on abandonnait, soit on trouve un autre support. Et là, comme on avait, pour pallier à ce manque d'activité, on avait déjà installé une activité Ruche qui dit oui à Remiremont. Qu'est-ce que c'est ? La ruche qui dit oui. Oui. La ruche qui dit oui, c'est de la mise en relation de producteurs et de consommateurs. qui se passe sur un moment bien précis de la semaine. En gros, les producteurs proposent des produits sur informatique, donc sur internet, les gens vont acheter comme sur un drive, et le jour J, tout le monde se retrouve sur le lieu de distribution, les producteurs et les consommateurs, et s'échangent les marchandises. D'accord, donc... Donc nous, on a animé ça parce que c'était un support intéressant puisqu'il fallait gérer des fournisseurs, enfin des producteurs et des clients. Il fallait manier l'outil informatique, le téléphone, donc on trouvait ça pas mal. Il y avait un côté logistique aussi. Donc on a animé une première ruche à Remiremont. Ensuite, on en a fait une qui se partageait entre Vanier et Saint-Amé. Et on est même allé en monter une à Épinal. On a fait ça pendant quelques années. Et quand on a décidé de changer de support, on avait créé des liens avec pas mal de producteurs locaux puisqu'on a construit tout un réseau, il a fallu aller chercher aussi les producteurs, leur vendre ça, enfin organiser, c'était très intéressant. Et on s'est dit qu'on pourrait aller plus loin sur les circuits courts, l'alimentation saine, ce genre de choses. Donc on a réfléchi et on est arrivé assez vite à l'idée d'un magasin de producteurs qui aurait la particularité d'être non pas géré que par des producteurs, mais en association avec des personnes en insertion et des producteurs. Donc voilà, on a travaillé pendant 2 ans à monter ce projet avec une trentaine de producteurs. L'idée a été de le monter comme toutes les choses qu'on fait à Gassy. Une des conditions quand on monte un projet à Gassy aujourd'hui, c'est il y a 3 paramètres. C'est que ce soit pas en concurrence avec une action qui existe déjà, puisqu'on n'est pas là. Je vous rappelle qu'on est dans l'associatif, on n'est pas dans la recherche du bénéfice, on n'est pas là pour se marcher sur les pieds. Si quelqu'un fait quelque chose et qu'il le fait bien, c'est pas la peine d'aller le faire en doublon. Il faut que l'action soit aussi dans un réseau ou en collectif. On ne va pas faire une action seule, ça n'a pas de sens. Il faut aller chercher un maximum de personnes pour que ça prenne, mais en même temps, ça garde son sens. Et la troisième condition, je ne la sais plus. mais en tout cas, on s'est retrouvé là-dessus. Donc, magasin de producteurs, il n'y en avait pas. On a vu avec la ruche qui dit oui qu'il y avait un besoin. Et on a décidé de monter ça, mais donc avec les producteurs. Donc, on a monté un projet qu'on a écrit entièrement, hein, sur les règlements, les chartes. Il a fallu discuter tout. On a fait se rencontrer 2, voire 3 mondes, puisqu'on a invité dès le départ des clients de la ruche, donc des consommateurs. Et on a monté ce projet-là ensemble. On a appris à se connaître, à s'écouter, à parler le même langage, parce que c'est pas évident quand on dit qu'on fait des choses avec des gens qui sont pas du même monde. Il faut déjà apprendre à s'écouter, à parler le même langage, à comprendre ce qu'attend l'autre, parce qu'on n'attend pas tous les mêmes choses. Et voilà, mais ça s'est très bien passé, hein. Il y a eu des réunions un peu longues des fois, des oppositions, mais comme on l'a toujours fait en s'écoutant et en se respectant, on est arrivé à monter ce projet-là, dont le sens est pour les producteurs de vendre leur production, de rester sur des circuits courts, pour nous d'avoir un support d'insertion, pour les consommateurs d'avoir des produits locaux et dont la plus-value revient principalement aux producteurs. Et en plus de ça, on a fait travailler tous ces gens-là ensemble et ils ont appris à se connaître aujourd'hui. Les producteurs, en tout cas les 30, ou non, on est presque 40 producteurs du magasin, savent ce que c'est que des personnes en insertion. Ils ont tous fait à peu près les mêmes réflexions, mais comme les consommateurs aussi, qui viennent au magasin et qui savent que les gens qui les servent, c'est soit des producteurs, soit des personnes qui sont en insertion. Moi, j'insiste parce que je dis en insertion, parce que moi je mets des guillemets à chaque fois dans ma tête. en général, les réflexions que j'ai eu à chaque fois, c'est ah ouais, mais j'ai été servi là, mais ça devait être une responsable ou non, ce sont des gens comme vous et moi, hein. Ils ont juste eu un petit problème sur le parcours et ça nous permet, si vous voulez, ce genre de support où on croise beaucoup de monde, ça permet de démystifier ce qu'est l'insertion, quoi. Les gens se rendent compte que c'est une béquille qu'on donne à certaines personnes, mais qui leur ressemble vraiment, quoi. C'est pas des gens qui ont un regard hagard ou qui sont drogués ou qui sortent de prison. C'est juste des gens qu'on les accompagne sur un petit bout de chemin pour éventuellement repartir pour un tour. C'est des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce et qui ont certainement beaucoup, beaucoup de potentiel à exploiter. exprimer aussi. Hein. Oui, les producteurs sont bien souvent surpris d'avoir des gens qui leur apprennent des choses quand ils viennent. Pas toujours, hein, mais il y a des échanges en tout cas. Et ça fait vraiment la richesse de ce support-là particulier. Et justement, ces personnes-là, peut-être qu'elles valent toutes à leur juste valeur de l'or. Et c'est pour ça qu'on va écouter la deuxième pause musicale. Oh, quelle belle transition. Je suis trop douée. On va écouter un morceau de Neil Young qui s'appelle Heart of Gold. J'ai aussi un bac plus 36 d'anglais. Hein. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. De retour sur Radio Gémozo 107 FM, c'était Heart of Gold de Neil Young. Et je suis toujours avec Hugues Laine, directeur de l'association GACI, donc je rappelle l'association de gestion et d'animation de coordination pour l'insertion. Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, donc on a parlé de plein de choses et on a parlé du magasin de producteurs et comment cette idée est née. D'ailleurs, Hugues Laine, est-ce que vous pouvez nous dire quand le magasin a ouvert ses portes ? Oui, je peux vous le dire. Mars 2017, non, je peux vous le dire d'autant plus facilement qu'on est en train de préparer les 2 ans là. En effet. Ah ben c'est la semaine prochaine. Ah déjà ? Ah oui. Samedi en 8. Ça veut dire quoi samedi en 8 ? Pas samedi oui. Qui vient, celui d'après. D'accord. On va faire une animation. Le vendredi soir, je crois qu'on fait un apéro. C'est pas que je crois, c'est sûr, on fait un apéro, une genre d'happy hour à partir de 18h, vient qui veut, on va communiquer, et le samedi matin, on va faire un petit déjeuner, on fait un brunch musical. Oui. Donc j'ai pas regardé encore si la météo nous était favorable, mais s'il fait beau, ça va être une tuerie. En gros, ça va être, écoutez, voilà, on fait 2 ans, venez, on vous fait un café, un œuf sur le plat, des crêpes, des machins, des trucs, il y aura de la musique, et puis on va passer un petit moment à discuter, et puis à rigoler. Bah, ça a l'air très sympa tout ça. Et ce magasin de producteurs, en fait, comme il propose quand même des productions locales, vu que c'est quand même basé sur les circuits courts. D'ailleurs, bon, j'ai pas envie de dire que c'est une mode, mais c'est, comment dire, un petit peu une tendance qui revient, et à juste titre, c'est important de mettre en avant les producteurs locaux, les productions locales pour réduire les émissions de CO2 et aussi faire fonctionner tout simplement l'économie locale plutôt que d'exporter depuis Tombouctou ou Pétaouchnok, comme on dit si bien. Mais quels sont ces différents produits, quelles sont ces différentes productions avec lesquelles l'association travaille ? Eh bien, tout ce qui peut se produire sur le territoire. Donc, principalement, on est très fort dans nos coins sur les produits laitiers et la viande. Classiquement dans une production de moyenne montagne. On a la chance de pouvoir avoir pas mal de légumes, parce que là, c'est pas trop, c'est un peu plus difficile de faire des légumes chez nous, mais on a un très bon producteur, la Damotte, qui se trouve à qui qui est d'ailleurs aussi au marché de Remiremont. On a plein de produits, des glaces, je vais faire le tour de mon magasin dans ma tête. Produits laitiers, viande, donc viande, bœuf, agneau, veau, porc, charcuterie. On a des truites aussi. On a du pain. On a du bon pain. je dis ça parce qu'on est étonnamment, avant d'ouvrir... Là aussi, quand je parlais de collectif, on est allé voir les magasins de producteurs qui existaient autour de nous. Il y en a 2 sur Épinal et 1 dans le 70. On a été super bien reçus. On a eu des gens qui étaient très ouverts, qui nous ont tout ouvert, tout expliqué, qui ont même pris notre personnel en formation. Ça, c'était aussi un vrai plaisir de travailler avec des producteurs, mais même d'un peu plus loin, parce qu'ils sont, tellement convaincus de la justesse de leurs produits. Et donc, on n'est pas comme on aurait pu le craindre dans une concurrence où on se regarde, où on est en compétition, même si on peut l'être. Mais c'était plutôt sympa. Donc, je disais, les produits... Oui, les différents produits. Vous avez parlé de truites. Voilà. Légumes, boissons, vin, sirop, jus de fruits, des confitures, du miel, tous les produits dérivés du miel, des confiseries, des bonbons. Le pain, c'est ça. Et en fait, on est des très très bons vendeurs de pain. On avait eu les chiffres de chacun sur ce qu'ils vendaient en pain, et nous, on est très très très haut. On est plus bas sur d'autres choses, et en fait, étonnamment, on vend beaucoup de pain. On travaille avec le GAB de Cornimont, qui fait un pain vraiment très bon et qui n'arrivait pas à suivre. Et du coup, on a travaillé avec la boulangerie des Chanonesses, qui nous a fait une... Boulangerie Chanonesse de Remiremont, la meilleure baguette vosgienne 2014, tout ça. Michael, qui fait du bon pain, on le savait, et qui nous a fait une baguette spéciale pour nous, avec de la farine bio, donc on a une baguette bio. Et comme le GAB n'arrivait plus à suivre parce qu'il est victime de son succès, il a aussi proposé, on lui a demandé, et du coup il nous a fait des pains un peu sur mesure, et qui se vendent très bien aussi. Voilà. Ça, c'est un fruits et légumes, plein. On est très fort. J'ai dire, par rapport aux autres magasins, on est un peu moins fort sur la viande, mais ça se comprend, puisqu'on à Remiremont, il y a quand même une belle offre. On a des bouchers vraiment de qualité, avec des gens qui ont des habitudes. Le fruits et légumes, il y en a un peu moins à Remiremont, et on est arrivé, par exemple, sur ces produits-là. Nous, on s'est imposé dès le départ de faire du bio, que du bio sur le fruits et légumes, et on a eu la chance de trouver un producteur vraiment qui sort des produits de qualité à des prix plutôt intéressants. Donc on a un rayon légumes qui marche bien, pas trop en ce moment, on est en fin de saison, alors qu'il marche... On est en train de vendre nos dernières carottes, là. Mais on a des points forts et des choses intéressantes. Et on vend aussi en drive maintenant. Quand je vous parlais de support, on a aussi développé ça, pour aussi développer les compétences de notre personnel. Donc vous pouvez retrouver tous nos produits, même si vous n'achetez pas sur le drive. Au moins, vous voyez ce qu'on vend sur lemagasin.net. Et là, vous pouvez aussi commander en drive. Et d'ailleurs, c'est une question un peu bête, mais finalement, le concept du magasin, c'est un peu le concept d'une ANMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, si je ne me trompe pas. Non, vous trompez. Ah. S'il y avait quelqu'un d'une ANMAP ici, il hurlerait peut-être. Sinon, on est sur les mêmes, le même désir de pérenniser des circuits courts et des producteurs locaux. Après, c'est pas organisé de la même manière, parce qu'une ANMAP, hein, sous réserve, parce que j'ai jamais participé, mais ce sont vraiment des personnes qui se regroupent autour d'un producteur pour l'aider à lancer sa production et à la pérenniser. Et il y a un engagement, dans le temps. Nous, pas forcément. Hein, les clients, ils sont pas obligés de venir chaque semaine et prendre telle quantité. Mais sur le fond, oui, on est sur les mêmes impulsions et les mêmes désirs. Et d'ailleurs, d'après ce que j'en retiens, hein, c'est essentiellement des produits de bouche que vous proposez. Donc tout ce qui est pour nourriture, pas de produits cosmétiques, pas de produits de nettoyage ou de choses comme non. ça. Non, j'aimerais bien, mais on n'y est pas encore forcément. On l'étudie. La particularité de notre fonctionnement, on a essayé d'être un peu novateur, c'est que c'est un magasin de producteurs, mais c'est Gassi qui le porte. Et comme on a monté ce projet ensemble, on ne voulait pas que ce soit Gassi qui soit le seul maître à bord. Donc on a demandé aux producteurs, aux consommateurs de se monter en association. Ils ont créé une association des usagers du magasin. Et afin d'être toujours sur un pied d'égalité dans la gestion de l'outil, on a croisé les associations, c'est-à-dire qu'il y a des administrateurs de l'association des usagers qui siègent au conseil d'administration de Gassi, il y en a deux, et il y a deux administrateurs de Gassi qui siègent dans cette association. Et cette association a comme fonction, enfin comme droit, je ne sais, je trouve plus le mot, c'est cette association qui choisit les produits et les producteurs qui sont dans le magasin. C'est pas Gassi. D'accord. Donc pour ça, je vous dis qu'il n'y a pas de produits de... Non, il n'y en a pas. Moi, j'aimerais bien, parce que je suis directeur de Gassi, mais ce sera... Il y a des commissions et c'est les commissions-là qui décideront. On est en train d'en discuter, hein, parce qu'on avance tranquillement. On veut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, au fur et à mesure que le projet évolue et se construit, parce que c'est un magasin qui progresse depuis qu'il est ouvert, qui progresse bien. Donc, des besoins nouveaux apparaissent et on est justement en train de discuter des produits ménagers. Mais il va falloir trouver... On a trouvé, mais un producteur local, hein, parce qu'on reste dans l'idée d'un producteur local et qui répondent aux chartes et aux règlements qu'on a mis en place. Et dites-moi, on peut peut-être rappeler aux auditeurs les heures d'ouverture du magasin ? Alors, c'est du mercredi au samedi. On ouvre en continu de 10h à 19h, sauf le samedi où on s'arrête une heure plus tôt, 10h, 18h. Et c'est possible donc d'avoir ces courses en drive. Tout est possible. Voilà. Oui. Les horaires ne sont pas les mêmes et il y a possibilité de commander via Internet, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Le drive, donc c'est... Oui. Donc, le magasin.net. Voilà, tout simplement. Et vous avez peut-être un numéro de téléphone. Est-ce que le numéro du magasin et de l'association sont les mêmes ? Non. Donc le numéro du magasin, donc je crois que c'est celui que j'ai sous les yeux, c'est le 0314. Oui, exactement, oui. 0329 23 31 14. Et le numéro de l'association, si quelqu'un a peut-être envie d'avoir plus d'informations. Non, ce que vous venez de donner, le 31 14, c'est Gassi. D'accord. Oui, c'est Gassi. Et l'autre, celui du magasin que je n'ai plus en tête, et je ne vais pas oser sortir mon téléphone pour vous le donner, il est sur le magasin.net. Tout simplement. Non, mais sinon vous appelez Gassi, puis vous mettez en relation, il n'y a pas de problème. Ils mangent pas là-bas à Gassi. On mange pas là-bas à Gassi. On mange, mais on mange pas les gens. J'avais envie aussi de vous demander, hein, il me semble que vous êtes très très proche du CTPS. Au CTPS, oui. C'est le Théâtre de la Miroiterie, si oui. Je ne me trompe pas. Culture, théâtre, peinture, sculpture, une association qui est très liée à Gassi, hein, puisqu'on était dans les mêmes locaux. Quand on a intégré, acheté les locaux rue de la Joncherie, une de nos difficultés, c'est de trouver un local où on puisse mettre à l'époque un magasin, un atelier, des bureaux et une troupe de théâtre. On a eu de la chance de trouver ce local-là, mais on n'aurait pas pris un autre local si on n'avait pas pu mettre CTPS. Et formidable opportunité, les anciens locaux, donc Montémont, avaient plusieurs bâtiments, et il y en a un où tout de suite on a dit « Waouh, on peut faire un théâtre de poche ». Donc eux, ils étaient super contents. Et on a aménagé ça, et CTPS a pu, de même que Gassy, quand on a aménagé, on a eu des locaux plus grands, et on cherchait des locaux plus grands, parce qu'historiquement, on était sur deux sites sur Environnement, parce que je voulais qu'on regroupe les équipes, et en même temps, je pense que quand on est dans des petits locaux, on pense petit. Quand on est dans un locaux un peu plus grand, on développe plus facilement les projets. Et CTPS a fait de même. Ils ont pu aussi agrandir leurs locaux, et bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait des émissions dessus, mais c'est vraiment une association qui s'est développée, qui rayonne sur tout le département, qui ont des projets. Enfin, il y a quand même une base culturelle très intéressante, et ils ont aussi varié. Ils étaient comme nous, beaucoup sur l'insertion. Ils se sont ouverts, ils ont varié leur public. C'est vraiment un plaisir de les voir évoluer. Et on partage au-delà de donc ces locaux, on partageait un but quand on s'est posé dans les nouveaux locaux, c'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est faire de ce site à la Joncherie un site qui brasse du monde. On veut que ce soit un lieu de vie et de culture sur Environnement. Et effectivement, c'est un lieu de vie avec trois branches principales, donc l'association Gassy, le magasin producteur, oui, et le CTPS. Mais c'est un tout et trois entités à part, oui, si j'ai bien compris. Et est-ce que l'association Gassy a des partenariats? Bon, j'imagine qu'elle a des partenariats avec le magasin producteur et le CTPS, bien entendu. Mais est-ce qu'avec d'autres associations ou même tout seul, il y a des actions à venir, des événements? Des actions, oui. Des projets, on en a toujours. Des événements, je dis donc les 2 ans du magasin, on va faire notre AG. Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit en action extérieure, autre que celle qu'on mène déjà. On parlait d'ailleurs des actions collectives. Il y a une autre action qui prend aussi de plus en plus de poids. On fait de l'accompagnement au code. Ah oui. Sabine Aubert qui fait ça, et vous pourriez presque l'inviter rien que pour parler de ça, parce que non, mais la mobilité chez nous, c'est quand même une vraie problématique ou un véritable enjeu, on le prend comme on veut. Donc elle fait un travail intéressant, reconnu, puisqu'elle a de plus en plus de monde qui vient, et l'idée, c'est de suppléer. Parce qu'on travaille aussi en collaboration avec les auto-écoles, suppléer, aider, complémenter les auto-écoles sur la préparation au code. Et là, il y a des projets, on se rend compte de plus en plus que la mobilité est un problème. Et quelque part, j'allais dire, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'insertion, ça fait 10 ans qu'on en parle, et il n'y a pas eu d'action vraiment... je pense pertinentes qui ont été menées. Donc si Gassy en a les moyens, on ira peut-être proposer des actions très bientôt sur la mobilité. Et donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'actions, hein, beaucoup de choses qui bougent. L'émission touche tout doucement à sa fin, et avant de faire la conclusion, on va quand même passer une troisième et dernière pause musicale. Il s'agit du groupe La Chanson du Dimanche, yes, le morceau Bonne Humeur que vous avez proposé. Et ben, on s'écoute cette petite parenthèse et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Salut, salut, c'est La Chanson du Dimanche. C'est parti. Allez, à pêche. On t'a connu, t'étais partant, on t'a connu, t'étais battant, on t'a connu, t'étais rêveur, on t'a connu winner. On t'a connu, t'étais tatoué, on t'a connu, t'étais looké, on t'a connu, t'avais une crête, t'avais un aigle sur la tête. Et depuis t'as perdu la foi, et depuis t'as perdu tes cheveux, et depuis t'as perdu tes potes. Mais nous on est là pour dire que t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur. On t'a connu, t'étais dragueur, on t'a connu, t'étais flambeur, on t'a connu marié, on t'a connu pédé, on t'a connu dans les manifs, on t'a connu nu sur la plage, on t'a connu plein d'astuces, on t'a connu faire ton fromage. Mais depuis t'as perdu tes dents, mais depuis t'as perdu tes yeux, mais depuis t'as perdu ta femme. Et nous on est là pour dire que t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs. en se remontant dans les quatre. Bonne humeur. À la cantine, bonne humeur. À la piscine, bonne humeur. Chez le proctologue, bonne humeur. À la pétanque, bonne humeur. Au tournoi de bridge, bonne humeur. Aux enterrements, bonne humeur. Dans l'escalier, bonne humeur. Dans l'ambulance, bonne humeur. Et aux urgences, bonne humeur. Au casino, oui, bonne humeur. Au super-U, bonne humeur. Chez le boulanger, oui, bonne humeur. Dans la télé, bonne humeur. À la messe, ah oui, bonne humeur. Malgré ta toux, bonne humeur. T'as le nez bouché, et tu t'en fous. Ouais, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Merci. Très performant. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM dans l'émission L'Heure des Loups. Je suis toujours avec Huglaine de l'association GACI, donc association de gestion et d'animation de coordination pour l'insertion qui se trouve rue de la Joncherie à Armiremont. Il est venu en fait nous parler de l'association, de la création, hein, vu qu'elle existe quand même depuis 92. Et beaucoup de choses se sont faites, hein, beaucoup de projets, et le projet actuel c'est le magasin producteur qui va bientôt souffler ses deux bougies. Si vous voulez en savoir plus sur le magasin producteur, c'est le site lemagasin.net, hein, le magasin tout collé, ou si vous voulez joindre à GACI pour avoir des informations ou savoir si vous pouvez intégrer des ateliers, bien entendu, si vous pouvez en être bénéficiaire, c'est au 03 29 23 31 14. On va bientôt arriver, donc si Hugues, vous voulez donner un mot de la fin, vous pouvez. Y a une chose que j'ai pas dite. Si la sauce marche bien et qu'elle a perduré aussi longtemps, c'est parce que c'est une association avec des bénévoles. Et je tiens à dire qu'on a une présidente, hein, c'est Jacqueline Bédès-Touvenel, la présidente, et un conseil d'administration très présent. Je peux le dire au titre de directeur, puisque il y a un CA par mois, il y a un bureau par semaine. Une fois par semaine, on mange ensemble avec le bureau. Donc on a vraiment un noyau dur de gens qui ont des valeurs, qui y croient, et qui, j'allais dire, m'accompagnent, hein, parce qu'un directeur ne peut pas tout faire. Je ne suis que le bras armé d'un conseil d'administration. Et le secret de GACI, puisqu'on en discutait en off, c'est, je pense que c'est un conseil d'administration efficient, efficace et investi. Et tout simplement, je vous remercie, Huglaine, d'être venu vous adresser dans nos locaux pour parler de votre association. Et juste avant d'arrêter et de laisser la place à André pour Fellerot de Pau, je vais faire le programme. Donc comme je l'ai dit il y a 30 secondes, hein, à 19h, on se retrouve avec André pour Fleur de Pau. Puis de 21h à minuit, c'est la rediffusion de Vivre et Créer la Montagne avec Vincent. De minuit à 1h, c'est la rediffusion de La Bulle de l'IA, qui a reçu ce midi, il me semble, une association de théâtre, donc théâtrale, avec Pascal Philippon. La rediffusion de ma chronique, c'est demain matin de 7h à 8h, et juste après, on aura la chronique de Michel. L'émission de demain, je vais recevoir, ou je vais avoir plutôt par téléphone, un groupe de néo-métal nancéen, Dusk of Delusion. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci encore, Huglaine, d'être venue. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain sur Radio Guémozo.